Voilà, bien aimé, c'est encore avec Nicodème que nous nous retrouvons ce soir. Nicodème, vous savez que nous suivons depuis déjà 3 jours, bien que l'événement qui est relaté n'ait duré que quelques minutes. Nicodème a rencontré Jésus alors que Jésus commençait son ministère. Il était au tout début de son ministère. Nicodème, c'est un pharisien, un juif pharisien, donc docteur de la loi, ceux-là même qui vont crucifier Jésus 3 ans plus tard. Et donc Nicodème, lui, voyez, tout pharisien qu'il est, il cherche la vérité. Voyez, il y a quelque chose dans son âme, dans son cœur, qui est vraiment attiré par la vérité, par la lumière. Et il voit le Christ et il voit les œuvres de lumière du Christ, et il se sent attiré. Et donc, en pleine nuit, en catimini, pendant qu'il fait sombre, il va vers celui qui est la lumière. Et c'est déjà tout un symbole. Vous voyez, il cherche cette lumière dans son âme. Eh bien, c'est ce que Jésus va lui donner, cette lumière. Alors, tout d'abord, Jésus, vous avez entendu hier et avant-hier, si vous avez lu l'Évangile, et avant-avant-hier aussi, si vous avez lu l'Évangile, vous avez remarqué que Jésus, voilà, lui fait tout cet enseignement, hein, sur le fait de naître d'en haut, hein, naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il faut renaître si on veut entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes né une première fois, vous êtes sorti du ventre de votre mère, mais il faut renaître. Il faut absolument que vous renaissiez, il faut une vie nouvelle. Et c'est ce que je suis venu apporter, moi Jésus. Et puis il va préciser, voyez, avoir une vie nouvelle, c'est avoir une vie selon la vérité. Vivre dans la lumière, marcher dans la lumière et cesser de marcher dans l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Jésus est très précis là, vous voyez, dans l'Évangile, quand il dit, voyez, celui qui marche, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Et oui, c'est bien normal. Quand on fait le mal, on n'a pas envie que ça se sache. Et donc, on se cache. On se cache de la lumière, on se cache de la vérité. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à entrer en connexion et en union avec Dieu. Puisque Dieu est lumière et vérité. Et donc, on fait le mal dans sa vie et on n'ose pas se mettre en lumière devant Dieu. Alors ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Si on veut accueillir la vie nouvelle, accueillir l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit, il faut impérativement mettre notre âme et nos œuvres dans la lumière de Dieu, sans se cacher. Il faut impérativement et particulièrement mettre nos œuvres mauvaises, et nous en avons tous, dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, vous avez bien compris. Il faut aller présenter ça au prêtre, dans la confession. Il faut absolument le faire. C'est ce que Jésus veut nous dire. Voyez, si vous ne le faites pas, vous gardez ça en vous. Alors vous le dites à Dieu, mais bon, de toute façon, voyez, il faut absolument le dire clairement dans la lumière. Et c'est très important cette affaire, parce que si on ne fait pas, eh bien on reste toujours dans l'ombre. Et donc, on n'arrive pas à accueillir cette lumière de l'Esprit-Saint. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit, voyez, que celui qui a peur, celui qui n'est pas dans la lumière, il a peur du jugement. Il a peur d'être jugé. Alors que celui qui est dans la lumière, qui met ses œuvres dans la lumière de Dieu, il n'a plus peur du jugement. Automatiquement, lorsque nous mettons nos œuvres en lumière, nous nous confessons tout simplement. Nous demandons à Dieu pardon. Alors, on peut le faire tout seul dans sa chambre le soir. Mais quand il y a des choses graves, il faut le faire absolument dans la lumière du prêtre, sans avoir peur du jugement. Simplement, vous voyez, il faut le faire en disant à Jésus, « Voilà, je veux que la lumière descende dans mon âme. Je veux ton Esprit Saint. Je veux vivre de cette vie nouvelle en amitié avec toi. » Et donc j'avoue, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était mal. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, automatiquement, la lumière de Dieu vient dans notre âme. C'est tout un enseignement, vous voyez ce que Jésus fait là, sur le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la confession. On appelait ça le sacrement de la pénitence. Alors, vous voyez, c'est ça que Jésus veut nous faire vivre. Pour ne pas que nous ayons peur du jugement, eh bien allons nous-mêmes, librement, nous livrer. Et alors nous ne serons pas jugés, nous serons sauvés. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus. Quand il dit ça à Nicodème, c'est magnifique, vous voyez. il doit le regarder dans les yeux, il voit Nicodème qui cherche la vérité, qui est là, mais qui a certainement des choses à se reprocher, qui est un petit peu K1, K1, qui est docteur de la loi, donc il sait très bien ce qui, selon la loi, ne va pas dans sa vie. Il lui dit « Dieu a tant aimé le monde » et il le regarde avec son regard tellement profond, plein d'amour, qu'il a envoyé son Fils, et c'est moi Jésus, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors, frères et sœurs, cette parole que Jésus donne à Nicodème, il faut que nous l'entendions nous aussi. Et il faut absolument que nous cherchions, comme Nicodème, à nous approcher du Christ pour recevoir cette lumière de l'Esprit Saint. Et plus nous irons loin, plus nous chercherons à mettre notre vie en lumière, plus nous serons remplis de cette puissance de Dieu qui fera alors que notre vie, par la puissance de Dieu, pas par nos petites forces, va se rendre conforme à la vérité. Voyez, tout ce qui dans notre vie ne va pas, eh bien petit à petit, plus nous la mettrons en lumière, eh bien plus tout cela va se réordonner par la puissance de Dieu dans notre âme. Parfois on se dit, mais non, mais Seigneur, ça je ne pourrai jamais arrêter. Je fume 5 paquets par jour, je ne pourrai jamais arrêter, Seigneur. Eh bien, confesse-le et tu verras. La puissance de Dieu va pouvoir te transformer. Combien de témoignages j'ai de gens qui ont été convertis, transformés profondément, même par rapport à des addictions, par rapport à des choses qui faisaient que leur vie n'avait plus de sens. Elle était dans les ténèbres. Tout simplement par une belle confession, renouvelée une fois, deux fois, trois fois, et puis petit à petit, voilà, le Seigneur relève et il fait marcher dans la lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.